du centre de recherche, hein, dont vous connaissez tous le thème, puisque c'est ce thème qui vous a attiré dans cette maison. Il est consacré à la cour et les sciences. Il ne vous a pas échappé, naturellement, que ce colloque entretenait un lien très très étroit avec l'exposition que nous présentons actuellement au château de Versailles, Sciences et curiosités à la cour de Versailles, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Pour ma part, sans m'aventurer dans le sujet lui-même qui mettrait très très rapidement en évidence mon manque de science, je préfère tout simplement souligner une chose et peut-être vous signaler une autre chose. S'agissant d'en souligner une, je m'attacherai à insister sur le fait que dans l'établissement où nous travaillons les uns et les autres, l'établissement public du château du musée domaine national de Versailles, grâce notamment à la création du centre de recherche, nous avons pu mettre en place un dispositif qui permet à notre programmation culturelle et donc à nos expositions essentiellement de se fonder sur un travail systématique de recherche qui est fait en amont de la production d'une exposition, travail de recherche qui se fixe comme objectif systématique d'explorer dans le champ de l'histoire des sujets nouveaux, de façon à nous permettre de renouveler le discours historique sur le château de Versailles, ou d'ailleurs également sur la vie de cour à Versailles, mais également en Europe, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et nous sommes également attachés, en aval de la présentation de la production des expositions, à ce que ces expositions donnent lieu à un travail de récapitulation scientifique, et c'est l'objet même de ce colloque que de constituer, en quelque sorte, cette conclusion du cycle de travaux historiques et scientifiques qui a été ouvert par les études préalables à la réalisation de l'exposition. Étant entendu, et nous le savons tous, parce que nous sommes beaucoup d'entre nous des professionnels ou des musées ou de la recherche historique, nous le savons tous, production d'une exposition conduit parfois, et souvent d'ailleurs, à poser des questions qu'on n'avait pas soupçonnées au moment de la phase de recherche, pure. Donc c'est un processus, ce dispositif qui allie la recherche préalable, la production d'exposition, la conclusion scientifique des travaux qui en résultent, est un dispositif extrêmement original et qui, je le crois, caractérise parmi tous les établissements publics de façon très singulière celui où nous nous trouvons. Je voulais également vous signaler une autre chose. Nous retrouvons pour ce colloque dans cette galerie, dans la galerie basse du château. Et je tenais à vous dire que, vous le savez, nous sommes en train, dans le cadre du schéma directeur du Grand Versailles, de réfléchir à la programmation des travaux dans d'autres parties du bâtiment, dans le Grand Commun, par exemple, qui est actuellement livré un vaste programme de travaux de restauration et de réaménagement, dont dépendra ensuite la mise en œuvre d'un autre programme dans la vieille aile et dans le pavillon du four. Et j'ai donc le plaisir de vous signaler que la configuration de la vieille aile et du pavillon du four, qui ont été très très profondément altérées par les aménagements du 19e et même du 20e siècle d'ailleurs, puisque la charpente de l'actuelle vieille aile date du 20e siècle, nous permettra d'installer sous le comble de la vieille aile un véritable auditorium de bonne capacité, ce qui nous fournira un instrument supplémentaire pour conduire dans de bonnes conditions notre activité scientifique. Alors, vous voyez, je m'éloigne totalement du sujet, mais comme je vous vois pas installé dans des conditions totalement idéales, mais que je vous vois néanmoins très assidu, très intéressé par ce que nous faisons, je tenais à vous signaler cette perspective. Alors, ce n'est pas pour demain matin, hein, puisque tout ça, ça prend du temps, des études, des appels d'offres, des travaux, mais on peut imaginer que dans 3-4 ans, nous disposerons de cet équipement et que donc le centre de recherche, l'établissement public que j'aurai à ce moment-là sans doute la vieillesse faisant quitter, pourra mettre en œuvre son activité, son programme scientifique dans des conditions excellentes. À ce moment-là, mesdames, messieurs, je vous rejoindrai dans la salle pour écouter la parole de nos successeurs. sœurs et de ceux qui toujours dans cette maison y travailleront pour notre plus grand bonheur, pour notre plus grande joie. En tout cas, merci à tous ceux qui ont préparé ce colloque. Merci à tous ceux qui, tout au long de cette journée, vont nous faire participer à la pertinence et parfois d'ailleurs au caractère extrêmement précis de leurs travaux. En tout cas, j'en attends beaucoup pour le développement de notre établissement. Donc, mesdames, messieurs, monsieur mon cousin, puisque j'ai dans notre assistance un cousin, voilà, très bonne journée. Béatrice, vous ne trouvez pas que dire « monsieur mon cousin », ça fait royal. Oui, tout à fait. Mon cher Jean-Jacques, quand vous parliez d'une annonce, je pensais que vous alliez évoquer la prolongation de l'exposition, hein, que nous avons le bonheur de pouvoir prolonger jusqu'au 3 avril. Donc, elle était prévue pour le 27 février, la fermeture était prévue pour le 27 février, et grâce à la compréhension de tous nos grands partenaires, nous allons avoir la possibilité de prolonger donc jusqu'au 3 avril. Alors un bref mot pour remercier d'abord tous ceux qui ont participé à la tenue de ce colloque, à l'organisation. En premier lieu, je voudrais remercier le professeur Robert Halleux. Ensuite, bien sûr, Catherine Arminjon, qui a travaillé étroitement avec lui pour construire le programme de ce colloque. Mathieu Davignal, directeur des études du centre de recherche également. Et toute l'équipe du centre. Et j'ai une pensée particulière pour Virginie Estève, dont c'est le dernier colloque. Alors, comme l'a évoqué Jean-Jacques Ayagon, c'est désormais une tradition bien établie de tenir un colloque à l'occasion des grandes expositions de l'année, parce que on sait qu'une exposition ne peut pas tout dire, tout montrer, parce que d'abord il y a des contraintes d'espace, il y a des contraintes de budget, et puis il n'y a pas toujours tous les objets pour vraiment montrer, démontrer tout ce que l'on peut dire. Alors, plus qu'une conclusion, comme vous l'avez dit, je pense que ce colloque va aller vers un approfondissement, vers un élargissement du propos de l'exposition. Et cela s'est avéré particulièrement nécessaire dans le cas de notre exposition sur science et curiosité à la cour de Versailles, parce que au fur et à mesure du travail que nous avons mené, que ce soit au cours des 3 années du programme de recherche qui s'est déroulé donc au sein du domaine de Trianon sous la direction de Antoine Picon et Thomas Wiedemann, ou que ce soit ensuite durant les 2 années où nous avons travaillé avec Catherine Arminjon à l'élaboration de l'exposition proprement dite, ce qui nous a donné l'occasion de rencontrer de nombreux chercheurs au sein même des institutions qui nous consentaient les prêts, nous avons découvert un sujet d'une richesse insoupçonnée. Ça a été une véritable découverte, hein, comme un fil d'Ariane. Nous voyions au fur et à mesure de nos études de nouveaux champs de recherche se découvrir, de nouveaux témoignages d'une présence de savants à la cour et d'activités scientifiques qui se déroulaient à Versailles. Et donc c'était tellement riche qu'il a fallu faire des choix, élaguer. Et j'étais toujours en train de dire « revenons à Versailles, restons à Versailles » parce que, évidemment, toutes ces recherches nous amenaient beaucoup plus loin. Donc le parti adopté a été délibérément de se focaliser sur Versailles, sur les lieux mêmes de Versailles et ses dépendances, et de montrer comment toutes les sciences y sont manifestées, dans quels lieux, et de montrer que elles s'y sont manifestées sous toutes les formes de la démarche scientifique, c'est-à-dire l'application, parce que paradoxalement c'est par l'application que les sciences arrivent en premier à Versailles, pour la création même du château et du domaine. Ensuite, l'expérimentation, quand des savants travaillaient sur les lieux mêmes de Versailles qui offraient des objets d'études, du personnel, des finances, des espaces. Ensuite, l'enseignement des sciences au prince, hein, qui a été une partie qui s'est appuyée sur le travail absolument remarquable de Pascal Mormiche, qui aura l'occasion de préciser encore ces développements sur la pratique des princes, hein, avec cette révélation, hein, de la pratique de Louis XV, vraiment un homme passionné de science, et enfin la démonstration parce que la science spectacle est très présente à Versailles, et on ne peut pas enlever cette dimension de curiosité qu'il pouvait y avoir à la cour. Si Versailles donc est évoqué comme lieu de pouvoir, ce qu'il est par essence, lieu donc de gouvernement, lieu d'exercice de la tutelle sur les sciences et donc lieu de décision en matière de politique scientifique, ce n'est qu'en introduction que nous avons pu le faire. Nous évoquons la création de l'Académie des sciences grâce au grand carton de Testelin. Nous avons une galerie de portraits des ministres, les surintendants des bâtiments du roi, puis les secrétaires de la maison du roi qui étaient en charge de concevoir et de mettre en œuvre cette politique scientifique. Mais nous n'avons pas été en mesure de traiter véritablement les objets même de cette politique scientifique, cela nous aurait entraîné trop loin. Nous n'avons pas parlé des domaines privilégiés, des modalités de son action, de ses succès, de ses limites. Nous n'avons abordé qu'un seul sujet sur les domaines où la politique scientifique a eu une véritable a été très très marquée, et cette marque se retrouve toujours, c'est lorsque nous avons évoqué les fondations d'écoles d'ingénieurs, et nous avons retenu ce fait à titre d'exemple, hein, pour frapper les esprits, parce que ces écoles d'ingénieurs jouissent aujourd'hui d'un prestige immense, et que ce prestige est aussi grand que l'oubli de leur origine comme création royale. Donc c'était à titre d'exemple que nous avons uniquement évoqué cet aspect. Donc le colloque, il revient au colloque de parler de cette politique scientifique. Donc ce colloque doit élargir le champ de vision. On doit, à partir de Versailles, voir ses effets dans toute la France et même jusqu'à l'exploration du monde. Et dans un second mouvement, nous voyagerons à travers toute l'Europe, hein, allant de capitale en capitale, hein, de Villanova à Lisbonne, de Londres jusqu'à Constantinople. Et cela nous permettra de voir si ce que l'on a connu en France, si ce qui s'est fait à partir de Versailles se retrouve ailleurs, avant ou après, si les mêmes objectifs ont sous-tendu cette action, si elle s'est déroulée selon les mêmes méthodes ou si elles s'en sont écartées. Car malheureusement, dans l'exposition, il n'y avait pas place non plus pour une étude comparative. Or, je sais depuis l'exposition sur les tables royales combien cette approche, cette démarche est riche d'enseignements. Et c'est d'ailleurs une caractéristique du centre de recherche, cette dimension européenne, nous y tenons énormément. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons fait appel au professeur Robert Halleux, car lui-même est international entre la France et la Belgique, et toutes ses connaissances aussi vastes que précises dépassent même les frontières du vieux continent. Et donc c'est à lui que nous avons fait appel, et sans attendre davantage, je vais lui passer la parole, après toutefois avoir remercié aussi le professeur Michel Blais, qui a accepté de faire ce si difficile exercice qu'est la conclusion du colloque. À vous, cher professeur.